D'une manière générale, avant de changer de direction, il faut d'abord ralentir et freiner. Réponse A. Contrôler et informer. Réponse B.